Conte de fées en français. Mangita et Larina. Il était une fois, dans la ville de Luzon, un pêcheur vivait près du lac avec ses deux filles, Mangita et Larina. Mangita était sa fille aînée et elle était gentille et affectueuse avec tout le monde. La plus jeune, Larina, était malheureusement l'exact contraire de sa sœur. Elle était méchante avec les gens, elle attrapait des papillons et les enfermait dans des bouteilles juste pour rire et elle parlait souvent mal à sa sœur. Mangita faisait toutes les corvées de la maison et s'assurait que le repas soit toujours prêt de façon à ce que quand son père rentrait le soir à la maison après sa journée de travail, affamé et épuisé, il trouvait son repas à table et son lit prêt pour la nuit. Larina n'aidait jamais sa sœur et se fichait encore plus de son père. Elle passait son temps assise près du lac, à se coiffer et à admirer son reflet dans l'eau. Ne suis-je pas la plus belle fille de la ville? Non, mais sérieusement. Oh, mais qu'est-ce que je dis? Il n'y a pas plus belle fille que moi dans tout le royaume. Alors forcément, c'est pareil dans cette petite ville. Un jour, le pêcheur tomba malade et mourut peu après. Mangita fut dévastée. Elle cria et pleura pendant des heures, mais réalisa bien assez vite que la responsabilité de sa famille reposait maintenant sur ses épaules. Elle reprit ses esprits et alla trouver Larina pour lui faire part de sa décision. Larina, comme d'habitude, était assise près du lac à se regarder fièrement. « Ma sœur, je suis là pour te parler de quelque chose de très important. » « Oh, va-t'en! Tu ne vois pas que je suis occupée! » « Eh bien, je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. » « Oh, qu'est-ce qu'il y a? » « Eh bien, tu sais, sans papa à nos côtés, personne ne gagne d'argent pour nous. Du coup, j'ai décidé d'aller vendre du poisson au marché tous les jours. Je ne sais pas si ça suffira, mais... mais je ferai de mon mieux, d'accord? Ok, si tu veux. Maintenant, laisse-moi seule. Tu n'as pas besoin d'être si méchante avec moi. Je t'aime, tu le sais, n'est-ce pas? Oh, je n'ai pas besoin de ton amour, ma sœur. Je suis née dans la mauvaise famille. Mais entends bien ça. Les choses ne vont pas rester comme ça, parce que je suis destinée à devenir reine un jour et à quitter cette horrible et misérable ville, y compris toi, oui, toi et tous les autres. Mon prince charmant viendra. Tu verras. Mangita soupira. Oh, je ne te souhaite rien que du bonheur, petite sœur, tu sais. Les jours passèrent. Et Mangita travailla très dur pour joindre les deux bouts pour elle-même et pour sa sœur. Un jour, en rentrant à la maison avec seulement quelques pièces, elle se sentit très inquiète. Larina, je suis désolée, mais ce que je gagne n'est pas suffisant pour nous nourrir toutes les deux. À partir de demain, viendrais-tu m'aider à vendre du poisson? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire enfin? Je te demande de venir m'aider à vendre du poisson pour qu'on gagne assez d'argent pour toutes les deux. Je t'en prie, ma sœur. Tu as perdu la tête. Je suis la future reine. Tu veux faire de moi une vendeuse de poisson? Hors de question. Mais enfin, c'est assez. Je vais au lac. Mangita fut très triste. Elle s'assit et se mit à pleurer. Larina sortit de la maison et tomba sur une vieille femme qui se tenait devant elle. « Que veux-tu, vieille femme, dis-moi? » « Oh, cher enfant, j'ai faim et j'ai très soif. J'ai marché des kilomètres. Tu serais bien aimable de m'offrir un peu de pain à manger et un peu d'eau à boire, ma chère? J'ai l'air d'une servante pour toi, hors de ma vue. » Larina poussa la vieille femme et s'en alla. Ah! Oh mon Dieu! En entendant une vieille femme au dehors, Mangita sortit immédiatement de la maison. Elle fut horrifiée de trouver la vieille dame au sol. Oh, je suis vraiment navrée. Mangita aida la vieille femme à se relever et la fit rentrer dans sa maison. La vieille femme expliqua comment Larina l'avait poussée. Mangita fut choquée. Je suis désolée, gentille grand-mère. Mais ma sœur peut parfois être un petit peu malveillante. Oh, ça ira. Tu sembles être la gentille sœur. Si tu étais assez aimable pour me donner un peu de pain et un peu d'eau, s'il te plaît, je serais repartie en un rien de temps. Mangita accepta et lui apporta le seul morceau de pain qui lui restait. Elle lui offrit aussi un verre d'eau. La vieille dame mangea le pain et but l'eau avec bonheur. Oh, merci beaucoup, mon enfant. Ton âme est si belle. Sur ces mots, la vieille dame s'en alla. Mangita alla se coucher le ventre vide. Quelques jours plus tard, Mangita tomba malade, incapable de se lever du lit. Larina, comme d'habitude, ne s'en soucia guère. Oh, ma sœur, s'il te plaît, va au marché vendre du poisson. Nous n'avons aucune économie. Je n'irai nulle part. Et c'est la dernière fois que je te le dis. En disant cela, Larina sortit de la maison et tomba à nouveau sur la vieille dame. Encore toi? Que veux-tu à présent, hein? J'ai cru entendre que Mangita était malade. Je lui ai apporté des graines qui l'aideront à guérir. Laisse-moi entrer, je lui en donnerai toutes les heures et je m'occuperai très bien d'elle. Tu verras que demain matin, elle ira mieux. Crois-moi. Larina grinça des dents car elle ne souhaitait pas que Mangita guérisse. Elle fit semblant de sourire. Oh, ne te dérange donc pas, enfin. C'est ma sœur, tu sais. Donne-moi les graines et je vais m'assurer qu'on s'occupe bien d'elle. Tu es sûre? Oh, absolument. Eh bien, d'accord alors. Larina prit le sac de graines à la vieille dame. La fièvre de Mangita empira et elle ne put pas dormir de la nuit. Elle tourna et vira dans son lit toute la nuit. Ses yeux devinrent même jaunes. Larina ressentit une immense joie à voir sa sœur souffrir. Elle ne lui parla même pas des graines et cacha le sac sous le lit. Quand elle se réveilla le lendemain matin, Mangita transpirait abondamment. Larina sourit. Et tandis qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, la vieille femme entra. Hein? Toi? Comment oses-tu entrer dans la maison sans permission? La vieille femme sourit et claqua des doigts. Elle se transforma immédiatement en un superbe jeune homme. Comment? Tu es un ange? Je ne suis pas un ange, je suis un prince. Prince Steven de la maison Valédom. J'ai des pouvoirs mystiques et j'ai cherché par monts et par vaux la femme la plus gentille de la terre pour l'épouser. Et je dois dire que j'ai enfin trouvé la bonne, si elle veut bien de moi. Mais évidemment, mon prince, tu n'as vraiment pas idée depuis combien de temps j'attends ce jour. Allons-nous-en loin de cet endroit et vivons heureux pour toujours, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu? Silence, mauvaise fille! Je ne parlais pas de toi! Quoi? Prince Steven regarda en direction de Mangita et ferma les yeux. Une lumière dorée enveloppa son corps. Mangita, étendue dans son lit les yeux fermés, s'illumina aussi d'une lumière dorée. Larina regarda la scène avec grande surprise. Peu après, Mangita ouvrit les yeux et se leva, se sentant parfaitement bien. Prince Steven ouvrit aussi les yeux et la lumière dorée disparut. Mangita fut très confuse car elle n'avait aucune idée de ce qu'il se passait. Prince Steven sourit et lui expliqua tout. Je suis resté dehors toute la nuit à te surveiller. Non seulement ta sœur ne t'a pas donné les graines, mais elle t'a aussi souhaité le pire. Mangita fut dévastée en entendant cela. Elle se tourna vers sa sœur. Ma sœur, pourquoi? Pourquoi me détestes-tu autant? Oh, je t'en prie, je n'ai pas le temps pour ce cirque. Pars d'ici avec ton prince et laisse-moi vivre. Je ne t'ai jamais aimé et je ne t'aimerai jamais. Tu comprends? Des larmes coulèrent des yeux de Mangita, mais le prince vint la consoler. Ne sois surtout pas triste à cause d'elle. Elle ne mérite ni ton amour ni ta gentillesse. Allons-nous-en d'ici et allons dans mon royaume. J'aimerais faire de toi ma femme, si tu veux bien de moi comme mari. Mais enfin, c'est ma sœur. Eh bien, certaines personnes ne changent jamais. C'est mieux pour toi de le savoir dès maintenant. Vous avez fini tous les deux. Vous êtes vraiment très fatigants. Mangita regarda le prince Steven et acquiesça. Prince Steven claqua des doigts et tous les deux s'évaporèrent dans les airs. Au cours d'un grand mariage, Mangita et Prince Steven s'unirent et ils vécurent ensuite une vie heureuse et bien remplie. Larina resta la même, méchante et cruelle envers les autres. Elle ne changea pas d'un pouce. Mangita, cependant, s'assura que sa sœur reçoive toujours assez à manger sans qu'elle le sache. Prince Steven se moquait souvent de l'espoir que nourrissait Mangita sur le fait que sa sœur puisse changer. Eh bien, certaines personnes ne changent jamais. Ma sœur changera un jour, oui. J'en suis sûre. Oh, je ne parlais pas d'elle. Je parlais de toi et de ta foi en elle.